The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To do. Faire. Fault. La faute. Maybe. Peut-être. Sign. Le panneau. To invent. Inventer. Nothing. Rien. Car. La voiture. Serious. Grave. Now, a bit faster. Nothing. Rien. Maybe. Peut-être. Nothing. Rien. Sign. Le panneau. Fault. La faute. Car. La voiture. Maybe. Peut-être. To do. Faire. Nothing. Rien. To invent. Inventer. Fault. La faute. To invent. Inventer. Maybe. Peut-être. Car. La voiture. To do. Faire. Sign. Le panneau. Nothing. Rien. To do. Faire. Now, use the words in context. Faire. You made a huge mistake. Vous avez fait une grosse erreur. La faute. It's all his fault. Tout est de sa faute. Inventer. I invented the BlackBerry. C'est moi qui ai inventé le BlackBerry. Rien. I don't feel like anything lately. Je n'ai envie de rien en ce moment. Grave. She had a very serious accident. Elle a eu un accident très grave. La faute. It's all his fault. Tout est de sa faute. Inventer. I invented the BlackBerry. C'est moi qui ai inventé le BlackBerry. Rien. I don't feel like anything lately. Je n'ai envie de rien en ce moment. Grave. She had a very serious accident. Elle a eu un accident très grave.